Nous sommes samedi le 14 mai 2022. Bienvenue à cette édition de la mi-journée. Voici d'abord les principaux titres. Le chef de l'État met en garde la société chinoise chargée de construire le barrage hydroélectrique d'Oluziwadi, lequel est en construction depuis 2019 et sa mise en œuvre était prévue au mois d'avril de cette année. Lors d'une conférence de presse, il a en outre affirmé que certains fonctionnaires de l'État ne préparent pas convenablement les dossiers d'appel d'offres destinés au marché public. Destitution provisoire de ses fonctions du chef collinaire Malamvia, 13e transversale, par l'administrateur de la commune Mutimbudi. Ce dernier l'accuse d'un comportement indigne pour un leader. Certaines mesures, dont la fermeture provisoire des marchés du bétail à Kayanda, ont été prises pour prévenir la propagation de la maladie des vaches inhabituelle par le service de la protection de l'environnement en cette province. Innocent Bonimana sur la mise en onde et à la présentation. Vous êtes avec Ornella Mucho. Le fonctionnement réel de la centrale solaire de Mubuga en province Gitega sera conditionné par un matériel de stockage de ce courant avant d'être mis dans le circuit d'alimentation en courant électrique de la régie des eaux, remarque du président burundais mardi. C'était lors d'une conférence de presse où il a affirmé que certains fonctionnaires de l'État ne préparent pas convenablement les dossiers d'appel d'offres destinés au marché public. Le chef de l'État met en garde la société chinoise qui est en train de construire le barrage hydroélectrique de Luzibadi. Suivez-le, traduit en français par Armel Mutore. Nous sommes en train de construire des barrages hydroélectriques. Celui de Luzibadi est presque achevé. J'ai constaté qu'ils ont été distraits, mais là je les ai mis en garde que si l'échéance n'est pas respectée, ils seront renvoyés et déclarés personnes non grata au Burundi. Ils ont été lents dans leur travail, alors qu'ils ont des câbles, ils sont incapables de fixer les poteaux. Il semble qu'il y a des personnes qui leur disent de saboter ce travail, de laisser le pays à la traîne. Visiblement, il y a une volonté de saboter nos projets. En ce qui concerne Kabou 16, il y a une commission qui suit de près leurs activités. Eux aussi, ils ont repris le travail, mais c'est après une descente du gouvernement. Il y a également Djidji Mouremge qui fournira plus de courant électrique. J'ai dû me déplacer moi-même. Mais maintenant, il y a des commissions qui suivent de près ce travail. En ce qui concerne l'énergie solaire, les constructeurs de la centrale de Gitega ont failli nous causer du tort. Ils ont tout fait, mais n'ont pas eu de transformateur, alors qu'ils allaient connecter cela aux lignes de la régie des eaux. Si un jour passe sans que le soleil apparaisse, ça veut dire que nous payons alors qu'il n'y a pas eu de courant. Il faut que ce soit bien quantifié. Je leur ai signifié qu'il faut un matériel de stockage. Même jusqu'à maintenant, on est toujours en désaccord. Le barrage hydroélectrique de Luzuadi de 15 MW est en construction depuis 2019 et sa mise en service était prévue au mois d'avril de cette année. Le chef de colline Malamvia, 13e transversale en commune Mutimbudi, a été provisoirement démis de ses fonctions par l'administrateur de cette commune. Il l'accuse d'un comportement indigne pour un leader et d'avoir soutenu la maltraitance infligée à une femme de sa colline au lieu de la protéger. C'est au moment où ce chef de colline jette en bloc toutes ses allégations et précise qu'il a déjà répondu à la correspondance de l'administrateur. Le point avec Space Caritas Kavanyana. Dans la lettre adressée au chef de colline de Malamvia, 13e transversale en commune Mutimbuzi, l'administrateur de cette commune accuse cet élu collinaire d'un comportement indigne cour administratif et qu'il a soutenu les auteurs de violences conjugales infligées à une femme de sa colline alors qu'il devrait plutôt la protéger. Dans la même lettre, Siméo Moutoyi, administrateur de la commune Moutimbouzi, accuse également Agi Miniman, agent de Dieu, chef de colline, d'avoir une main dans l'achat illégal des propriétés foncières sur cette colline. L'administrateur ajoute que cette élue collinaire est provisoirement suspendue de ses fonctions en attendant la décision du conseil communal. De son côté, Jiminiman, agent de Dieu, rejette en bloc toutes ces allégations et précise qu'il a déjà répondu à la lettre de son autorité hiérarchique. Spescaritas Kavanyana, en commune Moutimbouzi, pour la radio Isanganiro. Page éducation à présent, l'ouverture d'un campus de l'université du Mur en zone Kayero de la commune Minga Kayové, c'est en province Loutana, est une réponse pour la population de la province en général et surtout natif de la commune Minga Kayové. La plupart des élèves qui terminaient le cycle post et fondamental étaient incapables d'affronter les enseignements des universités privées se trouvant dans des villes faute de moyens financiers. Il y en a même ceux qui abandonnaient les études universitaires. Les administratifs interpellent les lauréats de Loutana de s'inscrire dans son nouveau campus proche de leur zone d'habitation Vénuste Nilamaga. Selon Honorable Parfait Moninibuka, député élu pour la province de Loutana et chargé du suivi pour le projet de l'implantation de l'université Lumière Campus Kayero, après des entretiens avec les administratifs provinciaux, surtout ceux qui œuvrent dans le secteur éducatif, force a été de constater qu'un bon nombre d'élèves qui terminent aussi les postes fondamentaux sont incapables de se rendre dans des villes pour poursuivre des études universitaires faute de moyens. Il y en a, selon toujours le même député, des élèves qui optaient pour l'abandon. Telle a été la motivation, selon lui, du projet Campus Kayero. Parfait Moninibuka fait savoir que son nouveau campus accueillera surtout les élèves des communes Minga Kayové, Musongati et Giharo, malgré que le nouveau campus sera aussi profitable par les autres communes de la province et des autres provinces. Il lance un appel aux élèves lauréats de Loutana de se faire inscrire dans son campus très proche et moins cher. Son député rappelle que les élèves qui seront inscrits dans son nouveau campus payeront presque la moitié par rapport à ce que payent les élèves de la même université, mais dans des campus se trouvant à Bujumbura. La population interrogée à propos dit être satisfaite du nouveau campus dans les localités. Elles font savoir que ce nouveau campus facilitera beaucoup de leurs élèves d'affronter l'enseignement universitaire. Le nouveau campus de l'université Lumière Campus Kayero est le deuxième en province de Loutana après l'université de Grand Lac qui a un campus au chef-lieu de la province de Loutana. Depuis Kayové en province de Loutana, Veniste Ntiramahaga, Radio Isanganiro. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. Page élevage. À présent, la suspension des déplacements des bovins d'une colline à une autre, la fermeture provisoire des marchés du bétail à Kayanza. Ce sont certaines des mesures préconisées par le service de la protection de l'environnement et de l'élevage en cette province et sont prises pour prévenir la propagation de la maladie des vaches qui est jusque-là inconnue à Dalan Nyonsaba, directeur du bureau provincial de ce service. Le dit après avoir constaté que dans certaines localités de la province Kayanza, ces animaux commencent à présenter la symptomatologie de cette maladie et demande aux éleveurs qui trouvent que leur bétail souffre de cette maladie d'en informer aux vétérinaires communaux afin de suivre de près la santé animale, étant donné qu'une autre maladie de bétail dite Suna attaque déjà certains bovins de la province Kayanza. Restons dans cette même province. Cette demande de passeport enregistré au guichet unique de Kayanza depuis la mesure prise par le commissariat de police de l'air des frontières, que seule la demande des documents de voyage ne se fera qu'au guichet unique des provinces. La même population demande la disponibilité de ces documents dans un meilleur délai. Ngaluko Ildefonse, directeur provincial du guichet unique à Kayanza, tranquillise que cette question trouvera solution les jours à venir. Patrick Sengeyumva. Dans un communiqué sorti en date du 10 mai le mois courant, le commissaire de la police en charge de l'air et des frontières à Bujumbura a précisé que désormais la population à la recherche des documents de voyage, dont les passeports, les laissez-passer, etc., ne seront accueillis qu'au guichet unique des provinces de l'air sort depuis le 12 et courant. Ainsi, au guichet unique en province Kayanza, on a enregistré 16 demandes de passeport en date du 13 et du 14 le même mois. Certains de ces demandeurs de passeport à Kayanza avec lesquels nous sommes entretenus ont fait savoir qu'ils sont de retour de Bujumbura à la recherche de ces documents faute de manque d'informations. Ngakwili Défense, directeur du guichet unique Kayanza, fait savoir que le service en charge de l'octroi de ces différents documents de voyage ne fonctionnait pas convenablement depuis octobre de l'année passée, et cela, selon lui, à cause du manque de papiers servant à confectionner ces documents qui doivent être importés à l'étranger. Selon les données chiffrées fournies par le service du guichet unique Kayanza, depuis l'ouverture des portes de cette direction provinciale du guichet unique, sur 127 passeports commandés, 72 ont été faits et ont été d'ailleurs retirés par les personnes qui les ont commandés. Les mêmes données montrent également qu'au cours de cette même période, sur 400 laissés-passer commandés, 298 ont été confectionnés et ont été retirés. Bien que la situation se présente ainsi, les personnes qui se confient au guichet unique à Kayanza à la recherche des différents documents de voyage se lamentent comme quoi ils acquièrent tardivement, ce qui consécutivement déplorait-elle, perturbe leurs activités et leurs missions. Ils demandent au service en charge de l'octroi de ces documents l'amélioration du service rendu. Ngarkouille Défense, directeur provincial du guichet unique Kayanza, tranquillise que ce problème sera résolu très prochainement. Depuis Kayanza, Patrick Nsengiva pour la radio Sanganilo. Merci Patrick. Sengiyumva, les localités de Luremba sur la colline Mugara et le village de Karonda en commune et province Lumonge sont éclairées en cas de disponibilité du courant électrique depuis ce jeudi après 9 mois d'obscurité pour Luremba et environ 2 semaines d'obscurité pour Karonda. Le responsable de la régie des eaux, dans le sud du Burundi parle de disponibilisation des nouveaux transformateurs pour Magara et la réparation de celui de Karonda et demande aux bénéficiaires de ces équipements dont les sauvegardes pendant certains quartiers de la ville de Lumonge restent sans eau potable depuis bientôt 2 semaines et la régie des eaux dit s'activer pour normaliser la situation. Le point avec Jean-Pierre Misago. À Luremba, sur la colline Mugara, c'est un nouveau transformateur de courant électrique leur fourni ce jeudi qui a permis la reprise des activités nécessitant du courant électrique. Le bruit des moulins, des postes à souder et autres machines nécessitant du courant électrique se fait en effet entendre depuis ce jour et les cafétérias, de même que les salons de coiffure, ont réouvert leurs portes 9 mois après que ces activités sont au point mort. Plus au sud à Karonda, dans la même commune de Rumonge, c'est la réparation d'un transformateur qui a permis la reprise des activités nécessitant du courant électrique quand cette ligne est alimentée, après environ 2 semaines que cette localité est privée de courant électrique. Les bénéficiaires de ce service de la régie des eaux à Rurenda et à Karonda se réjouissent de la reprise de ces activités. De leur côté, les habitants des collines Rukinga, Gihwanya et Mugomere de la ville de Rumonge, ainsi que les élèves internes au lycée de Rumonge, désespèrent après environ 2 semaines sans eau potable. Ils demandent à la régie des eaux d'intervenir avant qu'il ne soit tard. Félix Ntirampeba, responsable de la régie des eaux dans le sud du Burundi, dit que cette société s'active pour réparer le réseau hydraulique coupé au niveau de la rivière Dama. Quant aux clients de la régie des eaux à Rurenba et à Karonda, il leur demande d'éviter d'être à l'origine de la destruction de ces équipements. Jean-Pierre Misago de Purumonge, Radio Isanganiro. Actualité internationale. Au Niger, 6 officiers ont été radiés de l'armée. Une note signée du chef de l'état-major des armées le confirme, comme nous le trouvons sur le site internet de RFI. Le document évoque des fautes graves et lourdes dans le service. Le tribunal militaire les accuse d'être impliqués dans la tentative présumée du coup d'État dans la nuit du 30 au 31 mars 2021, veille de l'investiture du nouveau président. Et c'est par cette actualité internationale que nous mettons un point final à ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci également à Innocent Iwonimana pour sa parfaite collaboration technique. Dans quelques secondes, vous aurez droit à la revue de la presse. De la presse. Bonjour ou bonsoir, cela dépend de l'endroit d'où vous nous écoutez. Rumonge, flambée du prix de l'huile de palme sur le marché, rapporte Burundi Echo, expliquant qu'en une semaine, le prix d'un litre d'huile de palme est passé de 4 000 francs burundais à 5 000 francs bou au marché de Rumonge. Les consommateurs indiquent que les cours de l'huile de palme atteignent des niveaux records. Les commerçants évoquent un déséquilibre entre l'offre et la demande. Explication avancée, les grandes unités de transformation et les raffineries d'huile de palme, notamment Savonor et Life, accaparent à elles seules plus de 80% de la production d'huile essentiellement dans les deux provinces, à savoir Rumonge et Makamba. Une autre quantité d'huile de palme serait vendue clandestinement dans les provinces frontalières avec les pays comme la Tanzanie et la République démocratique du Congo, poursuit ce journal socio-économique. L'enquête menée par les journalistes d'Iwachu à Gitega, capitale politique, et à Bujumbura, capitale économique, sur les produits agricoles de base, confirme l'envolée des prix. Pourtant, c'est la période de récolte et les prix devraient diminuer. Paradoxalement, le ministre en charge de l'agriculture estime que la récolte est bonne et s'en prend à ceux qui affirment qu'il y a flambé des prix sur le marché. Ce confrère reprend ses dires, je cite, « Ceux qui disent que les prix ont augmenté sont des fonctionnaires qui n'ont même pas un petit champ potager. Ils devraient au moins avoir un petit champ au lieu d'être toujours dans les marchés pour s'approvisionner. » Fin de citation. Ces propos du ministre lors de la présentation des réalisations du troisième trimestre de l'exercice 2021-2022 ont choqué, fait remarquer cet hebdomadaire, qui trouve néanmoins que l'heure n'est pas de nier la hausse généralisée des produits alimentaires pour ne pas dire leur inflation. Ce qu'il faut, c'est agir de façon plus efficace et plus cohérente pour stabiliser et réduire l'envolée des prix. L'heure est aussi de proposer des actions stratégiques, poser de vraies questions pour calmer les marchés. Que faire? Par qui et comment? Mais de grâce, conclut l'éditorialiste du journal Iwachu, évitons une attitude d'aveuglement face à une problématique pour en cacher la réalité avant de lancer « Oui, monsieur le ministre, ça va bien, mais ça va mal. » Revue de la presse. Le programme du domaine des sciences et technologies n'est jamais achevé, car il est vaste, constate la voix de l'enseignant, alors que le concours national de certification et d'orientation des élèves de la classe de 9e fondamentale sera fait du 31 mai au 2 juin 2022. Les experts en pédagogie proposent de scinder le domaine des sciences et technologies en deux options, à savoir la biologie-chimie et la physique-technologie. Ainsi, poursuit cet hebdomadaire de l'éducation, les enseignants formés en binôme à l'IPEA et à l'ENS feront leurs tâches sans difficulté. Ils demandent également que les cours soient titularisés comme dans certaines écoles sous convention afin que chaque enseignant dispense une partie de sa spécialisation. Le président d'Aïchimie lève le voile sur les pratiques des Imbonerakure, souligne Net Press. C'était en marge d'une conférence de presse tenue au palais Nareluchatsi. Ce mardi 10 mai, où le président burundais Evariste Ndayishimiye s'est exprimé sur l'implication de la jeunesse du parti au pouvoir, les Imbonerakure, dans la sécurité et la tranquillité du pays. Une affaire perçue, aux yeux des observateurs, comme une tâche dévolue aux forces de défense et de sécurité. Le numéro 1 burundais compare leur concours à celui des Inkeragutabara du Rwanda, des Local Defense de l'Ouganda et les Sungusungu de la Tanzanie, rapporte ce quotidien en ligne. L'agence burundaise de presse écrit que le nombre d'abandons scolaires inquiète plus d'un en province Ruyigi. Depuis l'année scolaire passée, en effet, plus de 17 000 écoliers et élèves sur un total de 126 000 inscrits initialement ont quitté l'école pour aller travailler en Tanzanie, précise son confrère. Accompagnés de certains autres jeunes guides connaisseurs des lieux, ces jeunes voyagent durant la nuit, passent clandestinement par la frontière et deviennent par la suite des sans-papiers pouvant être capturés par les services de sécurité tanzaniennes. Le gouverneur de Luyigi a effectué une visite au début de l'année dans le district de Kibondo et a demandé que ces jeunes soient remis au Burundi au lieu d'aller pourrir dans les geôles tanzaniennes, rapporte toujours ce quotidien. Ainsi se referme cette revue de presse préparée et présentée par Francine Ndiokoubgayo et Jean-Bosco Ndouimana. Restez branchés sur nos ondes. Revue de la presse.